Alors bonjour à tous. Vous allez vite vous rendre compte, je suis hyper enthousiaste avec cette nouvelle série qu'on commence aujourd'hui. J'ai la chance de l'ouvrir. Et puis Nicolas va suivre dimanche prochain et Stéphane dimanche d'après. Donc pour ceux qui rêvent et qui vivent dans l'église, qui n'ont pas vu leur programme depuis 3 mois, c'est une série sur 1 Pierre, mais aussi pour les ceux de l'extérieur. Donc on va prendre 1 Pierre en 11 séances. Donc entre maintenant et puis courant du mois de juillet, on devrait couvrir tout 1 Pierre. Ah, c'est bon, l'image est là. Quelqu'un pourrait venir mettre, attends, pour mettre un petit truc pour la redresser un peu là. Ce serait superbe. Alors, pour rien vous cacher, je suis tout particulièrement content qu'on commence cette étude pour 2 raisons. D'abord, j'aimerais bien que le livre de 1 Pierre bien stimule votre marche avec Jésus. C'est une raison évidente. Mais une deuxième raison, c'est que notre manière d'approcher les textes ici, j'aimerais qu'elle vous encourage, vous, dans vos études de la Bible. On n'a pas avoir l'impression que l'étude de la Bible, c'est pour les professionnels, c'est pour ceux qui savent prêcher, hein, et pour ceux qui savent enseigner. Et vous savez que c'est pas vrai. Mais parfois, on ne sait pas très bien comment faire. Est-ce que je dois juste lire ma feuille de calendrier le matin et être content? Évidemment non. Alors j'aimerais, en étudiant, par ma façon de faire, d'aborder les textes, que vous soyez stimulés en disant « Ah bah oui, ça je peux faire. Ah oui, ça je peux découvrir par moi-même. » Parce que évidemment, le but, c'est que vous ne soyez pas sans arrêt au crochet, on pourrait dire, dépendant des autres pour votre nourriture. Après un moment, vous devenez indépendant. Après, vous pouvez prendre la parole de Dieu, dire « Seigneur, parle-moi », et Dieu vous parle, et vous vous nourrissez. Ça, c'est l'objectif de la maturité, de la croissance. Donc voilà ce que j'ai comme, on dirait en anglais, comme agenda secret pour cette série. Hein. C'est que d'une part, vous soyez nourris, d'autre part, c'est que vous appreniez à vous nourrir par vous-même. Alors évidemment, pour ce faire, on a besoin d'une certaine discipline dans nos vies. Vous savez, discipline, je suis pas l'expert pour en parler. Mais il n'y a pas de raccourci vers la maturité spirituelle. Il y a une discipline de vie, une recherche, trouver du temps, des endroits où on peut rentrer dans la parole. Alors, rapidement, par où commencer? Quand vous prenez un texte, là, vous avez sûrement tous lu, enfin j'espère, au moins une fois l'épître de Pierre, et peut-être plusieurs fois même le passage 1 à 9 qui nous concerne pour aujourd'hui. Mais comment commencer l'étude? Par quel bout le prendre? Alors c'est tout simple, hein. Évidemment, vous commencez par lire le texte. Vous lisez le texte une fois, deux fois, trois fois. Peut-être même, et je vous l'encourage, et j'encourage en tout cas Nicolas, Stéphane et moi-même, à faire ça systématiquement pour le restant de ces 11 séances, apprendre le texte par cœur. C'est extraordinaire ce qui se passe. On l'a fait quelques mois, même quelques années dans l'église, c'est extraordinaire ce qui se passe. Quand vous pouvez vous levez, vous couchez, rentrez dans la douche, sortez de la douche, rentrez dans la voiture, et votre texte, il est là. Et il passe, et il repasse, et il repasse. Et c'est fantastique, parce que c'est là que vous trouvez... Attends, non, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça, le texte? Oh, mince, je reprends ma petite feuille. Ma petite feuille, elle est là. Hein. C'est cette petite feuille que j'ai traînée pendant 3 semaines dans ma poche, qui est sortie. Il dit vraiment ça? Ah non, il dit pas ça. J'avais pas... Et puis, on se rend compte qu'on connaît pas le texte. On l'a appris plus ou moins... Mais après, quand il passe et il repasse et il repasse, vous vous levez le matin et puis brusquement, pouf! Ah oui, c'est superbe ça! Alors je vous encourage à le faire. 9 versets, 10 versets, c'est pas grand chose, hein. Si un bonhomme de 50 ans peut l'apprendre, des jeunes, pour le concours biblique, ils ont appris, eux, le chapitre entier. Certains connaissaient carrément les 5 chapitres sans problème. N'importe qui, honnêtement, n'importe qui peut apprendre 10 versets par cœur. Donc faites-le. Pour dimanche prochain, c'est versets 10 à 16, c'est ça? Allez-y. Apprenez par cœur 10 à 16. Commencez tout à l'heure quand vous rentrez. Vous allez voir des choses fantastiques se passent. C'est ce qu'on appelle méditer la parole de Dieu. Et ça, c'est parfaitement biblique. Hein. Alors, une dernière remarque avant que j'aborde le texte. Vous le savez, mais je vous le rappelle, que quand on étudie un texte et on dit, voilà, j'étudie le texte de la parole de Dieu, je peux ajouter qu'on n'étudie qu'une traduction du texte de la parole de Dieu. Ça, c'est important, évidemment. Ce n'est pas le texte original qu'on étudie, c'est juste la mise en français ou peut-être en anglais pour certains d'entre vous ou en d'autres langues, mais évidemment ce n'est pas le texte original. C'est pour ça qu'à tout moment, dans l'étude de la Bible, c'est bien aussi d'avoir sous vos yeux deux ou trois traductions. D'accord? Donc, si vous n'en avez pas chez vous, et si vous n'avez pas les moyens, n'hésitez pas, demandez-moi, on est éditeur, on a plusieurs traductions que je pourrais soit vous vendre à bas prix, ou même vous donner, sans problème, au moins deux ou trois différentes traductions, comme tout à l'heure il a lu dans Parole Vivante. Ça, c'est une transcription, c'est un peu différent, mais c'est très valable. Une traduction NEG, vous pouvez, pour 2 euros, trouver un Nouveau Testament NEG, il n'y a pas de problème. Une traduction du Semeur, un Nouveau Testament pour 1 euro, je peux vous en donner une, il n'y a pas de problème. Donc, ce n'est pas une question de prix, mais ayez plusieurs traductions, comme ça, vous regardez votre texte et vous le comparez. Moi, j'ai appris mon texte dans la NEG, peut-être que vous avez sous les yeux, beaucoup ont la Semeur, donc dans ce que je vais dire, est-ce que vous verrez à l'écran, il y a une petite différence. C'est une différence de traduction. C'est important qu'on se le rappelle. Autrement, on va dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, dans ma Bible, c'est pas marqué ça. Rappelez-vous, c'est une traduction du texte original. Alors, quand on prend un texte, rapidement, il faut savoir dans quel contexte ce texte a été écrit. D'accord? Qu'est-ce que c'est comme texte? Est-ce que c'est un poème? Est-ce qu'on va étudier un poème aujourd'hui? Non, c'est pas un poème. Si on prenait par exemple le Cantique des Cantiques ou certains psaumes, ça peut être des poèmes. Là, c'est pas un poème, c'est quoi? C'est une lettre. Donc, quelqu'un a pris un stylo, enfin peut-être pas un stylo, mais en tout cas un instrument d'écriture, et il a écrit une lettre avec un destinataire. Dans ce cas-là, celui qui a écrit la lettre, c'est Pierre. Voilà, Pierre. On connaît Pierre? Oui, ben alors là, on rentrera pas là-dedans. Pour moi, c'est évident, de par le fait que le premier verset clairement décrit l'auteur, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, blabla. Alors, on va pas rentrer là-dedans, on fera pas de la critique textuelle ici. Là, je vous encourage, moi, à prendre le texte tel qu'il est, et si les livres que vous avez lus vous racontent autre chose, fermez-les. Prenons juste pour l'instant, aujourd'hui, la Bible, d'accord? Donc là, d'après ce que le texte biblique nous dit, de toute évidence, cette lettre a été écrite par Pierre. Alors Pierre, dites-moi, vous le connaissez en deux mots, c'est qui Pierre? Un apôtre, d'accord? Apôtre de Jésus-Christ, il le précise d'ailleurs. Mais en deux mots, qu'est-ce qu'il est, quelles sont ses caractéristiques? Impulsif. Zélé, oui, je ne sais pas si on dirait colérique, mais en tout cas très impulsif. C'était quelqu'un de très zélé, c'était un pêcheur à l'origine, un pêcheur dans le sens, là, le pêcheur à la ligne, aussi un pêcheur dans le sens, il pêchait, oui, d'accord. Il était un des trois mousquetaires, hein, Pierre, Jacques et Jean, donc un rôle privilégié auprès de Jésus, il a passé 3 ans avec Jésus. Un moment très difficile de sa vie de Pierre, c'est quoi? Il a renié, pas 3 fois. Je ne connais pas Jésus, c'est un moment dur de sa vie, ça l'a sûrement marqué. Alors, quelqu'un saurait vers quelle période il est mort? 68 probablement, hein? Sous quel empereur? Néron. La tradition dit qu'il est mort crucifié, tête en bas, sous Néron. Donc il y a eu sous Néron des périodes de persécution, il y a eu une période d'abord une dizaine d'années cool et relax, ça se passait bien. Puis après, Néron, il a disjoncté, et puis il a commencé à persécuter, en particulier, les chrétiens. Alors, ce que je vous dis là, bon, Pierre, dans votre étude personnelle, vous le trouvez vous-même, les évangiles en parlent, rien de secret. On dit, bon, mais comment trouver un petit peu plus d'informations sur le contexte historique du temps de... Pas difficile, il existe ce qu'on appelle des dictionnaires bibliques. Sur Internet, vous trouvez l'information. Contexte historique de l'épître de Pierre, poups, ça affiche. En deux mots... Donc, je vous donne un peu de contexte historique. Donc, dans l'Empire romain, le judaïsme était considéré comme religion licite, acceptée. Le judaïsme, hein, d'accord? Une religion acceptée, tolérée. Et puis, le christianisme, donc les disciples de Jésus, vont se développer dans l'ombre du judaïsme. Tant que les chrétiens ne faisaient pas parler d'eux, il n'y avait pas de problème, on les ignorait purement et simplement. Mais à partir des années 60, donc une trentaine d'années après la mort de Jésus, d'accord, les chrétiens deviennent un groupe distinct des juifs. Il y avait les juifs et il y avait les chrétiens, d'accord. Leur conviction au sujet d'un Dieu invisible et d'un Christ ressuscité, ça c'était bizarre, provoque beaucoup de suspicions dans le monde romain. leurs annonces aussi, répétées, d'un jugement à venir et de la fin du monde, tel qu'ils le connaissaient, leur apporte un flot de haine et d'incompréhension. Alors, la mort de l'apôtre Paul va marquer ce tournant dans l'Empire romain quant à l'attitude des autorités par rapport aux chrétiens. Donc, le gouvernement de Rome, sous Néron, devient franchement hostile aux chrétiens. Et les chrétiens se posent des questions. Quoi faire? On nous a toujours dit qu'il fallait être soumis aux autorités, puisque, comme Paul nous a enseigné, les autorités ont été installées par Dieu. Et maintenant, regardez Néron, il a pété les plombs. Qu'est-ce qu'on fait? Pression, difficulté. Alors, Pierre est à Rome et il écrit aux chrétiens. Il dit, voilà ce que je vous recommande, voilà ce que je vous dis. C'est pourquoi cette lettre a été écrite. Et alors, comme vous le savez, cette lettre a été écrite aux chrétiens, comme dit le verset 1, dans le pont, dans la Galatie, dans la Cappadoce, dans l'Asie, dans la Bithynie. C'est simplement différentes régions de la Turquie actuelle. Donc Pierre est à Rome, il écrit aux chrétiens de Turquie, qui étaient sous la domination de Rome, hein, c'est des provinces romaines, donc qui étaient devant ce dilemme, quoi faire avec l'oppression du gouvernement romain. Alors, on va y venir, on vient au texte. Ça c'est juste un petit contexte que vous pouvez trouver, franchement, n'importe où, sur Internet ou dans un dictionnaire biblique. Alors, vous avez vos Bibles ? On y va. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont dispersés et étrangers dans le pont, dans la Galatie, la Cappadoce, la Bithynie, l'Asie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 2. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là, c'est cela qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve ou la mise à l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je ne sais pas quelle est votre première impression ou qu'elle a été votre première impression à la lecture de ce texte. C'est un texte fantastique. Il est rempli en quelques versets. Pierre parle à ces milliers de chrétiens dans la Turquie et il leur dit l'essentiel de sa foi. C'est magnifique. Un passage très très dense. En fait, j'aurais dû prendre, pour être honnête avec vous, uniquement 2 ou 3 versets si j'avais voulu l'étudier sérieusement, mais en 2 ou 3 versets, il aurait fallu 2 ans pour couvrir Pierre, c'était pas très sérieux. Qu'est-ce qui vous a marqué? Dites-moi en 2-3 mots. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a interpellé lorsque vous avez lu ou étudié ces quelques versets à la maison? Quelqu'un pourrait me dire rapidement? Dans ces 9 versets, qu'est-ce qui vous choque? Qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce qui vous touche? Le contraste entre la vie futile et la merveilleuse et la vie qui va se produire. Exactement. Alors là, bien sûr, c'est une des caractéristiques de la, la lettre tout entière. La dispersion, oui. L'idée d'être étranger, il revient là-dessus, c'est très, très Pierre. Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, oui? Il écrit à ces gens qui sont haïs et dispersés, et il leur dit, vous êtes les élus de Dieu, Dieu vous aime, oui? Oui, oui, on va y venir. C'est des expressions surprenantes. Puisqu'il le faut pour un peu de temps. Ça veut dire 80 ans, oui, exactement. Nicolas ? Ah oui, là, le démarrage, en fait, il est assez sur les chapeaux de roue. Le gars n'y va pas par quatre chemins. Quelque chose a été fait de la part de Dieu pour un but. Dieu ne fait pas les choses gratuitement. On va y arriver, oui? Ça, c'est aussi dans le premier verset, deuxième verset. C'est comme si là, en un verset, il met le cœur de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous sommes devenus et comment nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. Ouais. On y vient. Moi, ce qui m'a aussi marqué, pour ceux qui sont de l'extérieur, je vous le dis, vous le savez peut-être pas, nous avons passé plusieurs semaines, c'est l'année dernière, pour couvrir l'évangile de Marc. Alors, Marc, on le dit toujours, est un disciple de Pierre. Et quand j'ai relu Pierre, j'ai trouvé Marc. Je veux dire, en lisant Marc, on trouve Pierre. Vous vous rappelez du cœur du message de Marc? C'est quoi? C'est une question. Bah, qui est Jésus? C'est le cœur de Marc. Tout dans Marc va dans cette direction. Mais qui est Jésus? En fait, vous vous rappelez, premier verset. Évangile de Jésus-Christ. Voilà, c'est le début de l'évangile. Voici l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Premier verset. Au centre, au cœur de la pensée de Marc, il y a Jésus-Christ. Pourquoi? Je vous donne en mille. Parce qu'au cœur, au centre de la pensée de Pierre, il y a Jésus-Christ. C'est surprenant. Regardez, c'est la première chose qui m'a surpris, parce que j'ai commencé à apprendre par cœur ce passage. Je dis, ah non, là, il dit pas Jésus-Christ, c'est pas possible, il vient de le dire juste avant. Ah ben, si, il dit aussi, là. Ah ben, là aussi. Sur 9 versets, regardez. À partir de là, ici. Vous avez remarqué ça en lisant le 9 verset? Jésus-Christ est partout! Il est en tout! 1-1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ. 1-2, la valeur du sang de Jésus-Christ, l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1-3, le Père du Seigneur Jésus-Christ. 1-3, la résurrection, grâce par la résurrection de Jésus-Christ. 1-7, on parle dans l'attente du retour de Jésus-Christ. 1-8, vous l'aimez, vous, Jésus-Christ, sans l'avoir vu. 9 versets, pff, Jésus-Christ. Ça, c'est Marc, ça, c'est Pierre. Ça, je ne pouvais pas le rater. Alors, on y va. Premier verset. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, ma traduction dit, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans les 5 régions ci mentionnées. Dans le texte original grec, ce texte est très simple. Il y a Pierre, apôtre, Jésus, Christ, suivi par deux mots. Et là, dans vos versions, vous ne l'avez pas systématiquement, en tout cas dans celle-ci, elle n'est pas là. Les deux mots, c'est choisi et étranger. Alors, dans la version Semeur, je crois qu'ils l'ont mis côte à côte, hein. Choisi et étranger. Dans la version Second, ils ont mis choisi plus loin, au verset 2. Ils l'ont séparé. Mais, voilà, l'original dit plutôt, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont choisis, élus, hein, c'est le même terme, et étrangers, dispersés dans blablabla. D'accord? Ça, c'est le, Choisi. Alors évidemment, choisi, c'est sélectionné, c'est élu. C'est un thème très biblique. D'accord ? Je ne tournais pas dans vos Bibles, mais Éphésiens 1:4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a choisis. Jean 15:16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit Jésus à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Romains 8:33, qui accusera les choisis, les élus de Dieu? Colossiens 3:12, ainsi donc, comme des choisis, comme des élus de Dieu. Ça, c'est le terme numéro 1, à ceux qui sont choisis. Terme numéro 2, c'est le terme étranger. Quelqu'un qui arrive d'un pays étranger pour venir parmi les habitants d'un autre pays, un étranger. Et dans le contexte que nous considérons ici, c'est intéressant, parce que vous savez peut-être, vous vous rappelez, le système des cités se développait dans le contexte de Rome. Et dans la Grèce, c'était encore accentué. On était citoyens. Il y avait la démocratie qui s'était installée ensuite. Et alors, ce système était basé sur cette appartenance aux cités. On était citoyens des villes. Et il y avait deux classes de personnes qui n'étaient pas intégrées à ce système démocratique. C'était qui ? Les esclaves et les étrangers. Ils n'avaient pas le droit de voter, comme nous pourrons le faire tout à l'heure. Étrangers. Et Pierre dit, à vous qui êtes étrangers. Comme si, dans la cité de Dieu, dans le contexte de l'élection, du choix de Dieu, vous êtes étrangers ici, les citoyens là-haut. Étrangers, un terme bien choisi par Pierre. Alors, choisi, Dieu a choisi. C'est Dieu qui est à l'origine de tout. Pourquoi ? Moi et pas un autre. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, mais c'est un fait que la Bible parle comme si Dieu choisit. Dieu a élu. Ça, c'est son travail, c'est son côté. De l'autre côté, moi, je suis sur la terre, quelqu'un qui vit comme un étranger. Je crois dans le semeur, c'est marqué « ceux qui vivent comme des étrangers dispersés ». Comme des voyageurs. Comment tu dis ? Hôte de passage. On pourrait aussi dire quelqu'un qui a une carte verte en américain ou en français, une carte de séjour. D'accord ? Ceux qui ont des cartes de séjour, qui sont hôtes de passage, qui n'ont pas vraiment, vraiment, techniquement le droit d'être là, mais on leur a accordé l'autorisation pendant 2 ans ou 3 ans de séjourner parmi nous. Hôtes de passage. Étranger. Cette notion d'étranger, de vivre en étranger sur la terre, est présente dans toute la Bible. C'est pas seulement Pierre. Hein. Je vous lis quelques versets. Philippiens 3:20. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Royaume des cieux. Donc là, on parle d'être là-haut. Éphésiens 2:19. Vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Vous voyez comment Paul joue avec ça aussi. Votre vraie cité, votre vraie appartenance est dans le ciel. 11, 13, Hébreux. C'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis. Mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Et puis, ce verset fait référence à des textes de l'Ancien Testament, Lévitique 25-23. Une terre ne devra jamais être vendue à titre définitif, car le pays m'appartient et vous êtes chez moi des étrangers et des émigrés. Israël était toujours étranger et émigré dans la terre du Seigneur. C'était en tout cas l'enseignement qui, dès le départ, était donné. Ne vous installez pas! Vous êtes juste de passage pour quelques années. Ça ne va pas durer. David, en fin de vie, à prier la prière suivante dans 1 Chronique 29, 15. Nous sommes devant toi comme des étrangers, des hôtes, tout comme nos ancêtres. David avait bien compris. Notre vie sur la terre est aussi éphémère qu'une ombre passagère. Alors, c'est intéressant que Pierre démarque son épître, qui est en train de répondre aux questions, au stress de ces chrétiens, en leur disant quoi ? Je vous rappelle le béaba, l'essentiel, d'accord ? Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à vous qui êtes, d'une part, élus, choisis de Dieu, et d'autre part, des étrangers sur la terre, des hôtes de passage, des gens qui ont juste une carte de séjour dans la poche, rien d'autre. Est-ce que toi, dès le départ, en lisant ça, tu dis « Ah oui, cette lettre est pour moi alors, parce que ça c'est moi, je suis choisi, et j'ai cette conscience évidente que je vis comme un étranger sur la terre. » C'est pas si clair, hein, c'est pas si évident. En tout cas, c'est la base de tout ce qui va suivre. Ma traduction dit « et qui sont élus ». Comme je vous l'ai dit, ce terme « élu » se retrouve normalement dans le premier verset. « Et qui sont élus, selon la préscience de Dieu, par la sanctification de l'Esprit. » Alors bon, ce verset est un peu lourd. Vous lisez ça une fois, deux fois, trois fois. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Un peu compliqué, comme un verset d'introduction. Et pourtant, si vous relisez le texte, vous voyez qu'il est en train de dire vraiment, donner, comme je disais, le béaba de l'Évangile. Donc, Dieu nous a choisis. Ensuite, il nous met à part. La sanctification, c'est quoi ? C'est être mis à part. D'accord ? Être mis à part par l'Esprit. Comme disait tout à l'heure Nicolas, afin que, c'est pas juste pour donner un ticket pour le ciel. C'est pas, Dieu vous a choisi, il vous a pardonné les péchés, maintenant c'est bon, vous êtes tranquille, vous êtes en route pour le ciel. Non. Afin que vous deveniez quoi ? Confortable ? Obéissant. C'est marrant, hein, que Dieu ne fait pas les choses juste comme ça, gratuitement, pour que ça se passe bien pour vous, pour que vous ayez une vie plus relaxe, plus cool. Non. Dieu vous a choisi. Et vous vivez comme étranger sur la terre, vous avez été mis à part, sanctifié, afin que vous deveniez obéissant. C'est un objectif précis que dit en tête l'obéissance. Dans la parole vivante, c'est marqué « afin d'être rendu capable d'obéir ». Avant, vous n'étiez pas capable d'obéir. Maintenant, Dieu vous a rendu capable d'obéir. Est-ce que c'est comme ça que tu vois ta vie de chrétien aujourd'hui ? Pas un aboutissement, pas une finalité en soi, pas juste « j'ai vu ce ticket pour le paradis, yes !» Non, vous êtes rendu capable d'obéir. Ton salut n'est pas un vrai salut, s'il n'y a pas ce processus de transformation, d'être rendu capable d'obéir et d'agir. Pourquoi ? Parce que le sang a coulé. Il y a eu aspersion de sang. Jésus a versé son sang sur la croix pour te rendre capable d'obéir à Dieu. Premier verset. Et puis, Pierre conclut avec cette formule. Ça, c'est marrant aussi. Prenez un dictionnaire biblique ou prenez une concordance plutôt. Vous vous rendez compte que quasiment tous les lettres du Nouveau Testament ont cette formule. Grâce et paix. On ne le trouve pas dans l'hébreu ni dans Tite, mais c'est dans tous les autres. Un Pierre, il l'a une fois. Deux Pierre, il l'a une fois. Romain, il l'a aussi. Que la grâce et la paix. C'est une façon de saluer les chrétiens. Je ne prendrai pas beaucoup de temps pour... mais vous savez que c'est une façon d'interpeller les chrétiens. Grâce et paix. À la fin de vie, vous soit multiplié. Verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés. Un verset très dense. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. Il est la source de tout ce que vous êtes aujourd'hui. Vous êtes sur terre pour lui et vous êtes sur terre par lui. À cause de lui, vous êtes sur terre. Loué soit Dieu. Où est l'action dans ce verset ? Qu'est-ce qui se passe comme action dans ce verset ? Régénérer. Ça veut dire quoi ? Dieu nous a régénérés. Dans d'autres traductions, Naître à une nouvelle vie. Né de nouveau, on dit. Naître à une nouvelle vie. Régénéré. Pierre utilise ce terme deux fois dans sa lettre, au verset 3 ici, et au verset 23. Jean utilise ce mot 8 fois dans le chapitre 3. Vous savez de quoi on parle ? Chapitre où on a cette rencontre de Nicodème et Jésus. Ah, naître de nouveau, être régénéré. La grande discussion où, vous vous rappelez, Jésus dit à Nicodème, qui était déjà assez âgé, « Nicodème, il faut naître à nouveau. » Nicodème lui dit, « Mais attends, comment c'est possible? Je ne peux pas rentrer dans le ventre de ma mère. Je ne veux pas renaître. » Et Jésus dit, « Oui, tu es né une fois, naturellement. Mais tu dois naître à nouveau, d'en haut, ou de l'esprit. » C'est de ça dont Pierre parle ici. La nouvelle naissance. Régénérée. Si quelqu'un ne naît pas, n'est pas engendré d'en haut, dit Jésus à Nicodème, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas, entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas la vie éternelle. Il n'y a pas deux chemins. Et là-dessus, Jésus ne laisse pas de la place à d'autres religions, d'autres processus, d'autres façons. Non, ce n'est pas possible. Jésus a dit à Nicodème, il n'y a qu'un chemin vers Dieu. C'est moi le chemin et c'est la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Ne t'étonne pas que je te dis, dit Jésus, il faut que vous naissiez de nouveau, régénéré. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un truc plus sympa pour améliorer votre mode de vie. Jésus propose à Nicodème de le prendre par la main et de lui montrer, de le conduire vers la vie éternelle. La régénération, cette nouvelle naissance, c'est l'action de Dieu. Ça, c'est clair. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Je ne me suis pas, moi, régénéré. C'est Dieu qui nous a régénérés. Nous sommes élus, le verset 2, choisis par Dieu. Nous sommes régénérés, né de nouveau par l'action de Dieu et à cause de sa grande miséricorde, de son amour. Et puis on verra au verset 5, un très beau verset qui parle « Vous êtes gardés et protégés par Dieu. » Tout est de Dieu à cause de sa grande miséricorde. Dans vos versions, vous avez peut-être « à cause de son grand amour ». Dans la parole vivante, c'est marqué « Dans son amour sans limite ». Il a eu compassion de nous. Le terme utilisé pour grande miséricorde, c'est la bonté ou la bonne volonté envers le misérable et l'affligé, joint à un désir de les aider dans sa grande bonté. Dieu nous a vus et il nous a régénérés. J'aimerais insister là-dessus. La nouvelle naissance, ce n'est pas votre travail. Ce n'est pas vous qui avez réussi à atteindre un niveau. Vous allez dire, ah, ça y est, là, je crois que Dieu pourra vraiment m'accepter. Pour moi, le passage des évangiles qui est le plus marquant, et c'est ce qui, pour moi, image le mieux la nouvelle naissance, c'est Lazare. Vous vous rappelez, Lazare qui était mort. Il y avait deux sœurs et un gars, Lazare, Marie, Marthe, et puis Lazare est devenu malade et il est mort. Et Jésus est arrivé sur place. Ça faisait 3 jours que Lazare était mort et les gens ont dit, il commence à sentir mauvais, évidemment, 3 jours plus tard, en Palestine. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Lazare. Lazare! Waouh! Il était mort! Et l'action de la parole de Dieu, Jésus, a parlé. Et le mort est revenu à la vie. Et chaque fois que l'un d'entre nous a été appelé par Dieu à la nouvelle naissance, c'était exactement ça. J'étais mort. J'étais péri. Et j'ai entendu la voix de Dieu. Il m'a dit, Philippe, sors. Et je suis sorti. Et j'ai été régénéré. Ça, c'est la nouvelle naissance. Régénéré pourquoi? Deux choses. Il nous a régénéré. Pour une espérance vivante. On a parlé tout à l'heure dans les chants d'espérance. Espérance vivante. 50 fois dans le Nouveau Testament, le terme espérance est utilisé, très présent. L'espérance, ça fait partie, c'est une caractéristique essentielle de la foi chrétienne. L'espérance de la vie éternelle, l'espérance de la justice, l'espérance de la gloire, l'espérance de l'évangile, l'espérance du salut. Paul dit dans Éphésiens 2, 12, nous étions sans espérance et sans Dieu. Ça c'est avant d'avoir été régénéré. Sans espérance et sans Dieu. Mais grâce à Dieu, grâce à l'amour de Dieu, grâce au sang de Jésus versé pour nous, et grâce à la résurrection, eh oui, pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Parce que vous le savez, Paul nous l'a dit, dans 1 Corinthiens 15, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion. Vous êtes bluffés, on vous a menti si Christ n'est pas ressuscité. Votre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. Mais nous savons que Christ est ressuscité. Donc, on a cette espérance vivante. Donc, espérance. Et puis, Pierre, là, il accroche deux mots de manière intéressante. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament qu'on voit ces deux mots accrochés comme ça, même si vos traductions parfois le font spontanément. Espérance vivante. Il aime bien le terme vivant, Pierre. Dans son épître, à plusieurs reprises, il parle de cette idée d'être vivant. 1.23. Vous avez été régénérés par la parole vivante de Dieu. 2.4. Jésus est la pierre vivante. 2.5. Nous sommes, nous, des pierres. Nous devenons des pierres vivantes. Et puis, 2.24. Jésus a porté nos péchés sur la croix afin que, morts au péché, nous vivions vivants pour la justice. Espérance vivante. On pourrait dire, c'est une espérance qui nous donne des pieds pour vivre, pour marcher. Pas juste une espérance qui nous rend statique. On s'assoit, on attend, comme certaines religions font parfois. Ils montent sur la montagne, ils s'assoient, que leur gourou descende du ciel. C'est pas ça l'espérance de la vie, de la Bible. L'espérance vivante, c'est une espérance qui nous donne des pieds. On est vivant, on marche, on agit, on obéit, afin que vous obéissiez. Dieu nous a fait naître de nouveau, pour une espérance vivante et pourquoi ? Un héritage ! Depuis que nous sommes régénérés, nés de nouveau, nous vivons dans l'espérance de ce que Dieu nous prépare, de ce qu'il a réservé dans les cieux. Est-ce que c'est vrai pour toi ? Si tu étais né de nouveau, est-ce que tu as ce sentiment que tu vis depuis ce jour-là avec cette anticipation, cette attente, l'héritage, ce qu'il m'a préparé. Jean 14, 2, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit Jésus. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est comme si Dieu nous disait, attends, ne bouge pas. Je dis, bouge quand même, mais attends-moi, je reviens tout de suite. Je veux te préparer quelque chose de bien, de super. Et Pierre nous décrit ce quelque chose de bien. Il dit quoi ? Un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni perdre sa beauté, ni se souiller, ni se flétrir. Hébreux 11, 8. Par la foi, j'aime tellement ce chapitre 11, c'est magnifique. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Par la foi, il a séjourné en étranger, dans le pays qui lui avait été promis, vivant sous des tentes, de même que Isaac et Jacob, qui sont héritiers avec lui de la même promesse. Car ils attendaient la cité au fondement inébranlable dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. C'est magnifique comme verset. La même attitude. C'est chez ce bonhomme qui a vécu il y a 2500 années de ça, Abraham. Il vivait avec cette anticipation de ce qui va arriver et qui sera bien, bien meilleur. Imaginez, entre une tente et une cité au fondement inébranlable. Quel rapport? Pierre, Abraham, moi et vous aujourd'hui, même parcours. Nous vivons comme des êtres étrangers de passage. Sur une terre en vue d'un héritage qui nous sera un jour accordé dans les cieux. Cet héritage, comme on peut dire dans l'hébreu, c'est une cité au fondement inébranlable. Quelque chose qui ne peut pas pourrir, qui ne peut pas se détruire, qui ne peut pas se souiller. Vivre dans l'attente du vrai, du solide, du durable, du permanent. Et puis Jésus l'a aussi enseigné, ça, Matthieu 6, 19. Jésus a dit, ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs. Ça ressemble à ces versets. Qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et Jésus qui dit, elles sont à la merci des mythes, de la rouille, des cambrioleurs. C'est exactement ça. Il dit, ne faites pas ça. Il dit, ne faites pas ça. Non, non, non. Amassez-vous plutôt, dit Jésus, des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythe qui ronge, ni cambrioleur qui perce les murs pour voler. Luc 12 dit aussi, verset 33, Jésus parle ici, fabriquez-vous des bourses inusables, pareil, inusables, et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel. C'est exactement la même pensée. L'héritage, le trésor, qui ne va pas se perdre, il est dans le ciel, il n'est pas ici. Et Jésus d'ajouter, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et puis, il est possible que parmi les lecteurs de cette première lettre, de Pierre, certains se posaient des questions. Mais est-ce que je pourrais vraiment tenir? Néron, il a une sacrée réputation. Est-ce que jusqu'au bout, je pourrais être fidèle dans ce désir de marcher comme les étrangers en regardant l'héritage que Dieu nous a promis? Alors Pierre dit, à vous qui, par la puissance de Dieu, le terme puissance, c'est la dynamite de Dieu, la dynamisme de Dieu, êtes gardé par la foi. Gardé par la foi. Le terme est surprenant ici, être gardé par la foi. Dans d'autres versions, je ne sais pas ce que tu as dans ta Bible, mais en anglais, parfois ils utilisent le terme shielded, le bouclier de Dieu. Le bouclier que Dieu mettra devant vous, vous serez gardé par la foi. Dans d'autres passages du Nouveau Testament, le terme gardé est utilisé pour une garnison de soldats qui venait protéger la forteresse. Gardé par la foi. Jésus a dit, mes brebis, dans Jean 10, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est gardé par la foi. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pourquoi? Pour le salut! Prêt à être révélé dans les derniers temps. L'idée là, c'est que le salut trouvera sa forme définitive, complète, ultime, dans les derniers temps. Et rappelez-vous cette expression, dans les derniers temps. On va y revenir dans quelques minutes. Alors, Pierre dit, c'est bien là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant. Et j'aime beaucoup ce verset. Et on le découvre en petits morceaux très facilement. C'est là ce qui fait votre joie. Alors, Pierre ne dit pas, vous devriez donc avoir un certain plaisir à la pensée que vous devriez essayer de vous réjouir. Pierre ne dit pas ça. C'est là ce qui fait votre joie. Et le terme original qu'il utilise est surprenant. C'est la contraction de deux mots. Le premier mot, c'est beaucoup. Et le deuxième mot, c'est jaillir, bondir. C'est marrant, hein? Donc, il a pris deux termes. Beaucoup, bondir. Je vous donne un exemple dans le Nouveau Testament où on parle de ce terme bondir. Jean 4, 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira, bondira. C'est ça. Donc, beaucoup bondir. Ou alors, dans Actes 3, 8, d'un saut, il fut debout, celui qui a été guéri, il fut debout, et il se mit à marcher, il entra avec eux dans le temple, marchant et bondissant, sautant, beaucoup bondir. Vous mettez les deux termes ensemble, et ça veut dire exulter, se réjouir fortement, être extrêmement heureux. Voilà pourquoi vous êtes extrêmement heureux, dit Pierre. Merci Néron. Vous êtes extrêmement heureux. Qu'est-ce qui les rendait extrêmement heureux? Mais voilà pourquoi vous êtes extrêmement heureux. Ben, ce qui précède, juste avant, évidemment, cette espérance vivante basée sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur sa mort, sur sa résurrection, une ferme espérance basée sur la promesse de Dieu, le bouclier de Dieu qui nous protège dans la difficulté, sa puissance, qu'importe les circonstances. Voilà pourquoi vous êtes extrêmement heureux. Voilà pourquoi vous bondissez de joie. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui? Est-ce que tu bondis de joie? Est-ce que c'est ta caractéristique? Ah ben voilà pourquoi tu bondis de joie. Est-ce que tu es d'accord avec Pierre quand on dit voilà pourquoi vous êtes heureux? Qu'est-ce qui fait ta joie? Qu'est-ce qui fait ma joie chaque jour? On veut tous être heureux. On en a besoin. Mais vous savez qu'on cherche souvent le bonheur dans des petits bonheurs, des substituts souvent au vrai bonheur. Des petites joies pour remplacer la joie. Est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose d'important? Pierre dit à ces gens qui souffrent sous l'empereur Néron, voilà ce qui vous fait exulter de joie! Et nous, on est tellement amoureuses. Pierre écrivait à des gens comme vous et moi, stressés, très occupés. Ils avaient des familles dont il fallait s'occuper, des examens à passer, des boulots avec des horaires sûrement pas très sympas. J'imagine que les esclaves devaient se lever à 4 heures du matin pour aller allumer tous les feux de la maison. Ils devaient brosser par terre et laver les sols dans toute la maison après les orgies de la veille. Ce n'est pas rigolo. Et Pierre dit à ces gens-là, Dieu vous a tellement aimé qu'il a donné son Fils, Jésus, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et maintenant, grâce à lui, vous êtes nés de nouveau. En plus, il vous a promis un héritage là-haut, une garantie indestructible, une protection rapprochée pendant tout le temps de votre vie sur la terre, un programme extraordinaire, une source d'espérance vivante, et tout cela vous remplit de joie. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant. Quoique maintenant. Vous êtes réjouis à cause du salut, comme tout à l'heure on l'a dit, qui sera pleinement révélé dans les temps de la fin. Mais maintenant, dans les temps de la fin, maintenant, aujourd'hui, votre maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristé par des épreuves ou des tentations. Vous le savez, le terme épreuve, dans l'original, peirasmos, c'est aussi tentation, c'est le même mot. Et c'est vrai que les tentations, parfois, nous attristent autant, si pas plus, les épreuves, tomber dans la tentation, ne pas pouvoir résister, c'est dur à porter. Et c'est source de tristesse. Vous soyez attristé pour un peu de temps par les épreuves et les tentations. On a l'impression parfois que nous défendons l'idée selon laquelle nous avons le droit à notre confort. Droit à une vie facile, droit à la santé, droit à l'argent, droit au bonheur ici-bas et aussi un jour là-haut. Et Pierre dit non. Votre joie aujourd'hui n'a rien à voir avec les circonstances de votre vie actuelle. Écoutez Paul parler, vous vous rappelez de lui ? Paul, dans 2 Corinthiens 4, « Nous sommes accablés, dit Paul, nous sommes accablés par toutes sortes de détresses. » Accablés. Ça n'a même pas l'air très chrétien, ça. Accablés. Pierre dit, « Vous sautez de joie parce que vous savez qu'il y a un héritage qui vous attend. Mais maintenant, puisqu'il le faut, puisqu'il le faut. » En anglais, j'ai des traductions qui disent « It is necessary. » C'est nécessaire. Alors, quand on lit ça au début, on dit « Qu'est-ce qu'il veut dire, Pierre ? Il le faut. » Pourquoi est-ce que c'est nécessaire ? De vivre la détresse, de vivre la difficulté, d'être accablé, comme dit Paul. Si tu vis comme Christ souhaite que tu vives, tu vas souffrir des formes de rejet. Tu vas certainement te sentir comme un étranger dans un autre pays. C'est tout à fait normal, puisque ta façon de penser n'est pas la même que celle des gens qui t'entourent. Ta façon de penser l'argent, les relations de garçon-fille, les études, la famille, le travail, tout ça. On est radicalement différents parce que nous avons une perspective d'éternité. Est-ce que tu oses parler de tes convictions en tant que chrétien? Maintenant, aujourd'hui. Est-ce que tu oses parler d'un Dieu qui un jour sera le juge? Est-ce que tu oses parler d'être sauvé, d'être perdu? C'est une réalité. Est-ce que tu oses parler de Jésus comme le seul chemin vers Dieu? Il n'y a pas deux. Il le faut, puisqu'il le faut. En temps de crise, et nous avons, paraît-il, vécu, nous sommes dans une crise. On n'est pas toujours sûr, parfois, de la définition d'une crise, mais en temps de crise, le dollar n'est plus la valeur refuge. D'ailleurs, l'euro non plus, parce qu'il fluctue pas mal. Qu'est-ce qui est devenu valeur refuge? L'or. Ouais, l'or. L'or semble être une valeur sûre, que de solide. On a envie de dire inébranlable. Pourquoi est-ce qu'il faut des souffrances, des difficultés, une oppression? La réponse de Pierre, c'est « Afin que l'épreuve de votre foi, la mise au test, je ne sais pas quelle tradition vous avez, mais des traditions disent parfois le test de votre foi, la mise à l'épreuve. » Tu as quoi, Sonia ? Éprouver la valeur. J'éprouve. Qu'est-ce que vaut ma foi ? De quoi elle est faite, ma foi ? Afin que la mise à l'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. Là, je trouve ça surprenant, mettre à côté deux termes. Votre foi est plus précieuse que votre valeur refuge, l'or. Et Pierre dit l'or, il est, lui, périssable. Il n'a pas de cote qui dure dans le temps. Et pourtant, il dit pourtant, l'or est mis à l'épreuve par le feu. On le teste par le feu. Mais votre foi est bien plus précieuse que l'or. La foi qui résiste à l'épreuve. Jacques dit, la mise à l'épreuve de votre foi produit quoi? L'endurance. Pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force. Notre foi a besoin d'être testée. On a besoin de difficultés. On a besoin de l'épreuve. On a besoin presque de tentations pour voir de quoi notre foi est faite. Mise à l'épreuve de notre foi. Est-ce qu'elle est vraie, ta foi? Est-ce qu'elle tient le test de l'épreuve? Le temps. Ta foi est ce que tu as de plus précieux au monde. Tu souhaites devenir un adulte dans la foi? Les épreuves de la vie sont tes amis. Il revient sur ce thème pour un peu de temps. Comme Stéphane dit tout à l'heure, c'est surprenant. Il est nécessaire d'endurer les difficultés, les épreuves, les tentations, encore pour un peu de temps. Et les chrétiens devraient dire, mais encore combien de temps? Encore un peu de temps. Se sentir comme un étranger sur la terre, c'est pas agréable. Être rejeté, ne pas être accepté comme faisant partie de cette foule, de la masse, du monde, c'est pas agréable. Combien de temps est-ce que je dois me sentir encore différent? Un peu de temps. Combien? 40? 60? 80 années? Peut-être moins. On ne sait pas quand on part. Mais en tout cas, un peu de temps. J'ai toujours apprécié ce petit schéma. Vous savez ce que c'est, ça, hein? Voilà. Vous voyez ce petit point-là? Peut-être dans le fond, vous ne voyez pas, peut-être, hein? Il y a un petit point ici, là. Ce petit point, c'est exactement ça. Un peu de temps. Un peu de temps. C'est, pour les plus vaillants parmi nous, ça va être 98 ans. Peut-être papa va y arriver, je sais pas. Pour les autres, ça va peut-être être un 45 ou un 55 ou un 65 ou moins. C'est un peu de temps. Et la fête, c'est quoi? L'éternité. L'éternité dure à jamais, à jamais, à toujours. C'est pour ça que Pierre n'a pas de problème de dire combien de temps vont durer vos souffrances? Un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Un point. Et ensuite commence l'héritage à tout jamais. C'est évident que dans cette perspective, on serait fou de ne pas vivre sur la terre comme des étrangers et des autres de passage. Véritablement des fous pour un peu de temps. Alors, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Certaines de vos traductions donnent l'impression que cette louange, gloire et honneur seront données à des êtres humains, à nous. J'ai du mal à croire cela. Le texte de Pierre ne le dit pas spécifiquement. Mais si vous regardez dans le Nouveau Testament et que vous mettez louange, gloire, honneur côte à côte, tous les versets qui sortent parlent de Jésus. Vous en avez quelques-uns? Apocalypse 5, 11 à 13. Tous les gens vont forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Si vous marchez sur cette terre comme des étrangers de passage, avec une perspective d'éternité tous les jours, avec la joie réelle dans le cœur, malgré les épreuves. Devinez ce qui se passera quand vous entrez là-bas. Jésus sera glorifié. Son nom sera élevé. Jésus sera à toi, regarde ce qui s'est passé. Un verset encore dans Apocalypse. Apocalypse 7, 11 à 12. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force. Soit à notre Dieu au siècle des siècles. C'est ce que dit Pierre, je pense, dans ce verset. J'avance, le temps passe. Et là, c'est très beau. Derniers deux versets de mon passage. Il dit, il y aura donc cet honneur, cette louange, cette gloire à Jésus-Christ lorsqu'il apparaîtra. Et après, il ajoute, vous l'aimez. Vous l'aimez. Et quand je lis ça, je me sens vraiment tout de suite interpellé. Il disait ça à tous ces gens du 1er siècle, à toutes ces églises de Turquie. Vous l'aimez. Sans l'avoir vu. Mais c'est vrai pour nous aussi. Hein? Vous croyez en lui sans le voir encore. Ben, c'est vrai pour nous aussi, n'est-ce pas? Hein? Je crois en Jésus, je n'ai jamais vu. Je l'aime, Jésus, je ne l'ai jamais vu. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Vous l'aimez sans l'avoir vu. L'amour. Et là, je trouve aussi pertinent, on trouve tellement de choses dans ce petit passage, pertinent que Pierre, par son introduction, parle d'amour. Parce que juste avant, il a parlé de quoi? De foi et d'espérance. Et vous savez que dans la Bible, fréquemment, ces trois termes sont posés côte à côte, hein, Corinthiens. La foi, dans 1:7, l'épreuve de votre foi. L'espérance, vous avez été régénéré pour une espérance vivante. Et puis là, l'amour, vous l'aimez sans l'avoir vu. Je trouvais ça superbe. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant, Pierre revient, il récidive avec beaucoup d'emphase, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Alors on doit se rappeler, Néron est sur le trône à Rome. Et il règne sur le pont, sur la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie. Et Pierre a le culot de leur dire, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saurait exprimer tellement elle est magnifique. Qu'est-ce que je sais aujourd'hui? Non pas sous Néron, mais sous Sarkozy, et c'est beaucoup plus agréable, je vous assure. Qu'est-ce que je sais de cette joie dont Pierre parle? Cette joie réelle, profonde, indépendante des circonstances. Qu'est-ce que je connais de cette joie? Pourquoi ces chrétiens pouvaient être hyper contents? Leur compte en banque n'était pas bien rempli. Leur job ne leur proposait pas de satisfaction particulièrement alléchante. Leur famille n'était pas systématiquement en bonne santé. Et lui leur dit, vous vous réjouissez d'une joie époustouflante. Pourquoi? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Le terme prix utilisé ici, c'est telos, c'est la terminaison, c'est le but, c'est la fin. La fin ultime de ta foi, c'est quoi? C'est être heureux sur la terre? Non! La fin de ta foi, c'est ton salut, évidemment. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour la fin, pour la terminaison, pour le but. C'est le but de ta foi. Je conclue. Dans son grand amour, Dieu nous a donné une vie nouvelle grâce à Jésus. Ça nous a apporté une espérance vivante. Et non pas une vie cool et relaxe, c'est pas ça. Une espérance vivante. Une conviction par rapport à ce que Dieu nous a préparé pour demain. Un jour, ce jour-là, quelque chose se passera. Et ce quelque chose vaut tout ce que j'aurais vécu de difficile dans ma vie. Ce jour-là. Cette expression, vous savez, je l'aime beaucoup, ce jour-là se retrouve maintes et maintes fois. On a étudié plusieurs prophètes, petits prophètes. Dans les petits prophètes, on retrouve sans arrêt, retrouvez-les, ce jour-là. Dans un grand prophète comme Ésaïe, Ésaïe 25, et l'on dira, en ce jour-là, voyez, c'est notre Dieu, Ésaïe 26, en ce jour-là, on chantera cette hymne au pays de Juda, Dieu a fait du salut une muraille et un rempart, en ce jour-là. Nous avons un rendez-vous, l'histoire a un rendez-vous, c'est ce jour-là. Nos agendas sont tellement remplis qu'on aura du mal à choisir une date pour notre mort si on nous le proposait. Mais honnêtement, il y a une seule date qui compte. C'est ce jour-là. 1 Pierre 1,5, le moment de la fin. Pierre dit, 1,7, lorsque Jésus apparaîtra ce jour-là. 1,13, le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Cette lettre est remplie d'espoir, vous l'avez constaté, au beau milieu de la souffrance, de l'épreuve, des tentations. Une vie remplie de joie et d'espoir dans la souffrance, parce que son auteur regarde vers une échéance, ce jour-là. Tozer, un auteur du siècle dernier, que j'apprécie beaucoup, dit toujours que dans l'économie de Dieu, il n'existe que deux temps. En français, on a plein de temps, on aime bien la conjugaison. Hein. Mais dans l'économie de Dieu, il n'y a que deux temps. Aujourd'hui et ce jour-là. C'est tout. Et entre aujourd'hui et ce jour-là, je vais vous mettre à l'écran, comme ça vous pouvez imaginer un petit peu, hein. Et entre aujourd'hui et ce jour-là, c'est tout ce qui me reste comme temps pour me préparer pour ce jour-là. Est-ce qu'on est sérieusement en train de se préparer pour ce jour-là? Est-ce que c'est ce qui nous motive? Préparer pour recevoir l'héritage qu'il a préparé pour nous? Ou est-ce que nos agendas sont un petit peu trop chargés pour nous pencher sérieusement sur la question? Prenez le temps de lire, d'étudier, de vous ouvrir, de faire grandir votre vie. Et cette foi que Dieu a mis en vous, cette foi plus précieuse que l'or. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est fantastique. Elle est remplie de nourriture pour nos âmes. Et je te prie que tu nous aides, que malgré nos agendas qui sont souvent bien chargés, nous puissions prendre, arracher des moments de temps pour étudier cette parole, l'accepter et la vivre. Seigneur, que cette espérance vivante dont parle Pierre devienne notre espérance vivante. Et que chaque jour, nous soyons capables de vivre comme des étrangers sur la terre, avec une seule chose en tête, Seigneur, fais-le pour nous, cette perspective de demain, ce jour-là, ce jour que tu as préparé, ce jour où Jésus-Christ va apparaître. Et à ce moment, nous saurons que toutes les difficultés de la vie, tous les sacrifices peut-être que nous aurons consentis, ne seront rien face à ce que tu nous as préparé. Donne-nous la joie, la vraie joie, pas la joie des petits bonheurs, mais la joie de savoir nos péchés pardonnés, de savoir que nous avons reçu de toi cette nouvelle vie que tu nous attends maintenant avec quelque chose de merveilleux dans le ciel. Fais ce travail dans nos cœurs, nous te prions, au nom de Jésus.